d'arriver. Good afternoon, Toronto. You are listening to Suppression. My name is Mathieu, and I will be with you until the end of the hour, playing some French language, punk, ska, and hardcore here on CHRY 105.5 FM. It's going to be a great show, so stay tuned. C'était Brigade de Flores Magone, la chanson Lève-toi, de leur album Ange Gardien, ici à Sous Pression, l'émission de punk, sky, hardcore francophone que vous pouvez écouter sur CHRY 105.5 FM à Toronto. Et si vous êtes à Yellowknife, bien sûr, vous nous écoutez à partir du CIVR 103.5 FM. Et si vous êtes ailleurs dans le monde, vous nous écoutez soit à partir du site web de CHRY, chry.fm, ou à partir du site web de l'émission souspression.wordpress.com. Vous pouvez écouter l'émission à partir du site web de Sous Pression, n'importe quand et n'importe où, et j'imagine dans le monde, autant que vous avez une connexion à l'Internet, parce que l'émission, on la met aussi en onde à chaque semaine. Vous pouvez l'écouter à partir de Montréal, de Toronto, de Vancouver, d'Australie, à partir de l'Égypte, de la France, bien sûr, partout. En tout cas, c'est la magie de l'Internet. Mais là, je radote. Je suis ici pour faire jouer du punk, du ska, du hardcore, tout en français jusqu'à la fin de l'heure. Je commence avec du Brigada Flores Magone, parce que la chanson Lève-toi parle bien de solidarité. Puis aujourd'hui, si vous suivez les nouvelles, les actualités de la grève étudiante, du mouvement étudiant et bien sûr du mouvement vers une grève sociale qui se passe au Québec, c'est aujourd'hui que la rentrée scolaire est supposée de commencer. Pendant la dernière année scolaire, le gouvernement avait annulé les cours. Et on a décidé de recommencer un peu plus tôt, au mois d'août. Alors, c'est aujourd'hui, cette semaine, le lundi 13 août, que c'est supposé de commencer. Mais je sais qu'il y a quelques cégeps qui n'ont pas encore commencé les cours parce que une question de donner leurs associations étudiantes une chance de voter sur la question s'ils veulent continuer la grève ou non. À date, il y a un bon nombre d'associations étudiantes qui ont décidé de continuer la grève. Il y en a malheureusement qui ont voté pour ne pas continuer la grève. Ceux et celles qui ont voté pour ne pas reconduire la grève, c'est personnellement une décision dommage. Je suis pas participant dans la grève, alors je peux pas me mettre à votre place. Je trouve ça un peu dommage. J'espère que la grève continue, mais faut quand même les remercier pour leur rôle pour leur participation dans le mouvement, dans la grève pendant les 6 derniers mois. Alors c'est ça, j'ai fait jouer cette chanson-là par Brigada Flores Magone un peu pour marquer cet l'événement important qui cette semaine. C'est un événement important. Il n'y a pas seulement la grève qui continue, mais on est en pleine au Québec, dans le milieu d'une période électorale. Les élections vont avoir le 4 septembre, puis on espère. Il y en a qui appellent pour une trêve électorale, pour un arrêt à la grève pendant les élections. Il y en a beaucoup qui rejettent cet appel. Et moi, j'espère que la majorité du monde vont rejeter l'appel pour une trêve électorale, parce que c'est l'affaire qui tue les mouvements le plus, c'est des élections. C'est quand on met nos espoirs, quand on met le contrôle de nos mouvements et dans les mains des politiciens, c'est là qu'on tue vraiment nos mouvements. Alors j'espère que les mondes vont vraiment rejeter la trêve électorale, l'idée d'une trêve électorale, et continuer avec la grève. Alors c'est pour ça que j'ai fait jouer cette chanson-là. Je vais faire jouer une couple de chansons, j'imagine, au cours de l'émission, pour marquer la rentrée, la continuité de la grève et du mouvement social. Là, je vais vous faire jouer une chanson par Scouting Panic People. C'est une chanson un peu vieille du groupe, de l'album Dead on the Ring. C'est la chanson Dead on the Ring. Je vais vous faire jouer ça tout de suite, là, aux ondes de Sous Pression. Là, voici Scouting Panic People. Pour le peuple et pas pour l'argent. Dans la vie, sur le ring, la vie, j'en ai. le jour de l'insurrection. Regarde le combat, tu n'as plus gagné. Fronte sans doute, ils l'ont assumé. Qu'ils pouvaient mourir, mais jamais ses idées. Qui n'était pas, ils ne pouvaient pas tomber. Tell on to me, tell on to me, tell on to me, what's it been? Tell on to me, tell on to me, tell on to me, what's it been? Toujours à l'écoute de sous-pression, zone CHRY 105.5 FM à Toronto et le CIVR 103.5 FM à Yellowknife. Dans le dernier bloc, on a écouté deux excellentes chansons. On vient d'écouter l'équipe de la chanson Le cœur sur la main, tiré leur démo qui ont sorti en 2010. L'équipe qui était un groupe qui ont fait leur dernier concert au mois d'avril. Ils nous ont laissé par contre avec un démo, un EP et deux petits EP. Qui sont tous disponibles en ligne gratuitement en passant. Et l'équipe point c'était composé d'anciens membres des groupes Les Prostituées et Bonne Journée, deux excellents groupes de punk rock et de rock and roll québécois qu'on fait jouer assez souvent ici à Sous Pression. Avant ça, c'était Scuzzing Panic People, un groupe dont je suis pas mal certain qu'ils viennent de la Bretagne, un groupe breton, la chanson Dead on the Ring, l'album du même titre. Et je crois que cet album-là, je me le procurais à partir de leur site web. J'imagine qu'il est toujours disponible sur le site web, si le site web existe. Je suis pas certain à 100% si le groupe existe toujours. Je sais qu'il y a des membres de Scuzzing Panic People qui font maintenant partie ou qui faisaient partie du groupe Death of Glory. Death of Glory, c'est un groupe dont leur démo est disponible sur leur site web. C'est une histoire avec Death of Glory. C'est un moment donné, je me promenais sur l'internet. J'avais rien à faire, cherchais des groupes et je me suis retrouvé sur le site de Death of Glory. J'ai écouté leur démo, était sur le site web, je l'ai écouté. Hey, c'est fantastique, je l'ai téléchargé. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais réussi à retrouver le site de Death of Glory. C'est vraiment con. Je me sens vraiment niaiseux, mais qu'est-ce que tu veux, l'internet c'est vaste, alors c'est facile à se perdre là-dedans. J'aurais dû sauver l'adresse, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie. Mais en parlant d'internet et de musique que vous pouvez écouter sur l'internet, je vais faire jouer une nouvelle chanson par un groupe d'Ottawa. C'est un groupe un peu hardcore, D-beat et crust. Le groupe s'appelle Asile. Ils vont sortir un LP bientôt au mois de septembre qui s'appelle Kitchissippi Toxic. Le groupe je les ai déjà fait jouer ici en onde à Sous Pression. J'ai deux de leurs chansons d'un démo qui ont sorti une couple d'années. Et alors cette chanson là c'est tiré d'un LP d'un album qui va sortir bientôt au mois prochain, l'album Kitchissippi Toxic. Sur le Rust and Machine Records. En tout cas, vous pouvez l'écouter en ligne si je veux faire jouer à personne de l'internet. Là, c'est la magie de l'internet. Le site rustandmachine.bandcamp.com, vous pouvez le trouver à partir de là. La chanson s'appelle Haute Tension. Je vais vous la faire jouer tout de suite. C'est une excellente chanson. J'ai vraiment hâte d'entendre leur LP, leur album. Ça va être bon. La voici, mesdames et messieurs, en première. Haute Tension par Asile. Bon, vous écoutez toujours sous pression aux ondes du CHRY 105.5 FM à Toronto et le CIVR 103.5 FM à Yellowknife. On vient d'écouter du Ayoka, de leur nouvel album, État des lieux. La chanson Révolte, un album que je le dis toujours quand je fais jouer une chanson de cet album-là, mais je l'adore cet album, c'est un vraiment bon album. Du Malaka avant ça avec Hypocrisie politique, j'avais un peu la misère avec ce mot-là. Hypocrisie politique et de leur album Nick Samar, La religion, Malaka, je crois, je me trompe peut-être, mais je me mêle peut-être avec un autre groupe, mais je crois que Malaka venait du nord de la France, en quelque part. Peut-être Lille, mais je pense pas Lille. Je sais pas. En tout cas, un excellent groupe. Les Guinées avant Ayoka, on écoutait Les Guinées, la chanson Chien mort, et avant ça, c'était Malaka. Et on a commencé le bloc avec Asile, Haute Tension, tiré de l'arc. Un album qui va sortir au mois de septembre, Kitschissipi Toxic. Asile, un groupe d'Ottawa, la ville où j'habitais avant de déménager à Toronto. Et aussi ma ville natale, une belle ville avec une bonne scène là-bas. Et c'est ça, on va continuer en musique, mais avant de faire ça, je vous rappelle qu'on, parce qu'on est à mi-chemin de l'émission, puis c'est le temps que je le fais, je vous rappelle que l'émission a un site web, c'est le souspression.wordpress.com, souspression.wordpress.com, vous pouvez écouter l'émission à partir du site web, bien sûr, vous pouvez télécharger les émissions aussi, parce que... C'est ça qu'on fait. On aime partager de l'information et de la musique gratuitement. Vous pouvez le faire à partir du site web. Comme ça, vous pouvez l'amener avec vous sur votre lecteur MP3, n'importe quoi. Là. Et on met aussi la liste des chansons qu'on fait jouer à chaque semaine sur le site web aussi. Peut-être une couple de temps en temps des nouvelles concernant le monde du punk, du ska, du hardcore francophone. Et on a aussi une présence sur Facebook. Si vous êtes sur Facebook, facebook.com/sous-pression, vous pouvez aimer l'émission si vous êtes parti, si vous êtes... Ça avait un compte Facebook. On met aussi des liens vers le site web, vers l'émission sur le site de Facebook de l'émission. Et aussi, bien sûr, l'information concernant le punk ska du hardcore francophone. Et si vous aimeriez nous contacter, vous pouvez le faire par courriel souspression@chry.fm. Si vous avez des plaintes, des demandes spéciales, des commentaires que vous voulez faire, vous pouvez me dire que vous écoutez juste aujourd'hui, avant de venir quand je préparais l'émission, j'ai vérifié le compte et j'ai eu un courriel de quelqu'un à Lyon qui écoute l'émission et je voulais le remercier. Je suis désolé, j'ai pas le courriel avec moi. Je crois que son nom c'était Damien, si je me trompe pas. Parce que merci beaucoup de m'avoir envoyé le courriel. Ça m'a vraiment fait plaisir de savoir qu'il y a du monde qui écoute, pas seulement à Toronto ou au Canada, mais aussi en France. Et il m'a informé qu'une couple de semaines, je pense que je parlais du groupe Crève-Cœur et je parlais de leur adresse courriel, que c'était Crève-Cœur 69, quelque chose. Et je pense que j'avais parlé le 69, ça... Je me rappelle plus ce que j'avais dit, mais moi, je présume que j'avais parlé de l'année 1969 dans la culture skinhead et tout ça. Mais m'a informé que c'est bien, le 69 représente le chiffre du département dans lequel le groupe habite. Alors, je me suis trompé. C'est la vie. Je suis pas un expert sur les départements ou la politique ou même la géographie française. Mais qu'est-ce que tu veux? Le monde nous informe. C'est pas la première personne à me corriger une erreur que j'avais faite en ondes. Quelqu'un m'avait informé que c'est à partir d'un courriel que quelqu'un m'avait envoyé que j'ai appris ça m'a été confirmé que des membres de Scott's and Panic People qui faisaient maintenant partie de Death or Glory. Parce que c'est ça, c'est de l'interaction, ça démocratise la radio d'une façon ou d'une autre. Je sais pas quand. Parce que j'arrête de parler, je suis en train de me mêler. Je continue la musique avec du Banlieue Rouge, du vieux Banlieue Rouge, leur premier album studio, En attendant demain. Je pense peut-être mon album préféré de Banlieue Rouge, Quand tombe les masques est aussi bon, Engrenage, ouais, il est bon. Sous un ciel écarlate, ça change un peu le style, quand même bon, mais je pense que je préfère En attendant demain, c'est vraiment mon préféré. Alors, je vais faire jouer une chanson de cet album-là, la chanson, laquelle que j'ai choisi, là. J'ai choisi le sixième morceau, Aide-toi, le ciel t'aidera. Alors, je continue avec cette chanson-là, elle part du Banlieue Rouge, avec 30 secondes, 30 maudites secondes de bruit de même. OK, écoutez ça. Et je vais faire jouer, je pense que je vais faire jouer du Crève-Cœur après ça. Voici du Banlieue Rouge, la sous-pression. Un, deux, trois, sautez. et les comptes. OK, levez le volume là, et chantez, chantez fort parce que c'est un classique. Salut les copains par la souris déglinguée. Je l'adore cette chanson-là, c'est vraiment un classique. Alors, avant la souris, on écoutait La Gâchette avec Solidarité de leur album En route vers demain. Du Cochise, avant ça, avec qui jettera la dernière pierre de l'album Dans le meilleur des deux, dans le meilleur des, c'était quoi le nom de l'album? Dans le meilleur des mondes. Amnésie avant ça, la chanson Rue des Bâtards, l'album Rennes 9, Crève-Cœur avec C'est maintenant, et on a tout commencé le bloc avec Aide-toi, le ciel t'aidera par Banlieue Rouge de leur album En attendant demain. Ça, c'était un classique du punk québécois. Alors, il nous reste le temps pour une dernière chanson. Je vais vous laisser avec une, je vous quitte avec une mauvaise nouvelle. Je viens d'apprendre sur l'Internet qu'il y a plusieurs cégeps, dont deux cégeps aujourd'hui et un en fin de semaine, qui ont voté pour ne pas reconduire la grève, alors dont les cégeps Marie-Victorin, Édouard Montpetit et André Laurendeau. C'est dommage. Je ne sais pas ce qui va se passer. Il y en a un autre apparemment qui ils ont voté pour une adhérer à la trêve électorale. En tout cas, on verra. Il y en a toujours qui continuent, des associations étudiants qui vont continuer en grève, j'espère, mais on verra ce qui se passera. Peu importe ce qui se passe et ce qui arrive, une chose, je pense qu'on peut tous être d'accord dessus, c'est que à date, peu importe ce qui arrive dans les mois, dans les semaines, dans les jours et dans les mois à venir, c'est que le mouvement a vraiment été une inspiration pour tout le monde au Québec et bien sûr tout le monde au Canada et ailleurs dans le monde. J'espère en tout cas, ça montre que c'est possible de se mobiliser, que une grève de cette ampleur là, de cette grandeur là, est possible au Québec comme ailleurs dans le monde, ailleurs au Canada. Je vous laisse avec une dernière chanson, une chanson de Jeunesse Apatride, la chanson Unité, Combat, Victoire, une bonne leçon, trois bons mots à se répéter et à ne jamais oublier. Voici Jeunesse Apatride à sous pression. Oh, il a l'air d'avoir des problèmes avec le son. Tiens, ça recommence.